Vendredi, ouf, enfin, vendredi 28 avril 2017, monte le volume et hume la différence, c'est parti, mon, qui enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! C'est moi. C'est simple, net et précis, c'est moi. C'est pas une autre personne. En tout cas, pas pour le moment. Ça peut se modifier tout au long de l'émission. Tout au long de l'émission. Il y aura caillou blanc, caillou gris, de l'eau pure, de l'eau belle, de l'eau fraîche, mais aussi l'eau brouillée par la pluie, des enfants qui font des ronds dans l'eau. Ouais, c'est pas vraiment les paroles, mais c'est comme ça que je vous la présente, cette chanson. C'est tout au long de la rivière, ou peut-être même juste la rivière, une chanson de pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom chanteur. C'est ce gars-là. C'est celui aussi. Dans la famille du côté de ma mère, il y avait mon oncle Edmond. Il était bien smart, il parlait l'anglais, surtout quand t'étais rond, il faisait des. C'est lui! C'est le même, là! En jouant aux dames, on perd ou on gagne, moi, madame, je l'ai perdu. Je devrais verser toutes les larmes du monde. Car elle chante ma chanson. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Grand ami de Félix, on a parlé! Mais adorateur et ami de Léo, le peintre. Quand il est parti, Léo voyait un grand tableau plein de soleil et le vent couleur de son dedans. Quand il est parti, Léo, avions les yeux pleins d'eau. Quand il est parti, Léo, avions les yeux oh, c'est lui! Kick la kékane. Et ça fait longtemps, celle-là. Kick la kékane. Faudrait que je me... Oh, je m'en souviens plus vraiment. Mais mon oncle Edmond. Dans la famille du côté de ma mère, il y avait mon oncle Edmond. Il était bien smart, il parlait là. On l'a fait! Je voulais déjà rappeler. Hein. À Errance Rénaldienne, mon but, c'est d'avoir la mémoire du poisson rouge. Pas de poisson vert ni de poisson jaune, c'est le poisson rouge. Celui qui a la mémoire la moins pertinente, la plus courte, quoique. Quoique moi, je peux l'avoir courte en. Surtout quand ma charmante épouse me dit souvent « Je te l'avais dit! » Oh, mais je me rappelle plus de ça. « Mais non, ça fait 2 minutes! » Oh, mon, deux minutes, là, dans une vie. Puis tu me dis tellement de choses. Tu débites. Puis toi, d'abord, ben moi, c'est normal, je suis un garçon. Mais toi, tu débites. Oh! Les auditeurs et leurs citations étonnantes. Pas les auditeurs. Les auteurs. les auteurs et les auditeurs. Avez-vous des phrases étonnantes, auditeurs, auditrices? Êtes-vous comme ça? Envahi, un peu comme la flamme du Saint-Esprit, par un moment de création intense. Dans n'importe quelle situation, là, la création, ça peut être la création au niveau pictural, au niveau narratif, au niveau cinématographique, musical, puis même au niveau la reproduction. Là, la création est partout. Elle est partout. Dans la nature, ça fait partie de la nature. Mais là, les auteurs et leurs citations étonnantes. Dans Les Misérables. Qui a fait Les Misérables? Qui a écrit Les Misérables? Attention, question d'examen. C'est difficile, ça. C'est difficile, moi. Je connais pas ça, mais misérable. J'en suis un misérable, moi. J'ai pas une maudite scène dans mes poches. Faut-il être assez misérable? Mais j'ai des gros dollars qui puent, là. Même si Brel disait l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. J'en ai de la grosse dollar qui pue, là. Puis chose étonnante, moi qui suis chauffeur de taxi, on m'a remis ça. Mais en fait, le client a sorti ça dans un sac de plastique. Puis quand il a ouvert le sac de plastique, il m'est venu au nez une odeur, une senteur nauséeuse. J'avais le goût là, de régurgiter toute mon existence uniquement en sentant ce qui émanait de ce sac en plastique. Qui est en question, il me dit « Ça sent le mort, hein? Ça sent le mort! Ça sent le mort! » Mort et mort, mais ça sent le mort. Je pensais à la mort aux dents, tu sais, comme un cheval. Là. Ça sent le mort. Là, moi qui suis chauffeur de taxi la nuit, et dramaturge également entre mes clients, lorsque j'attends l'autre passager, j'écris poésie nouvelle. Les deux, parce que je veux que ce soit court. Hein. Lorsque un passager embarque, j'abandonne tout. Donc, j'ai quand même... Ça ne me prend pas grand-chose pour m'activer. Pour activer mon côté fabulatoire. Là, je me dis, ça sent le mort. Il me réplique que ça... En vérité, je te l'ai dit, ça sent pas autre chose là, que la dépouille. La dépouille? Où a-t-il trouvé cet argent? Je suis allé chercher dans un champ de blé au mois de janvier. Puis je me rappelais qu'en avril 2017, parce que nous sommes, l'histoire se passe en 2019, je me rappelais. Là, les verbes, conjugue. Ah ouais, conjugue, mon champion. Ben oui, je conjugue. Je conjuguerai à ma manière. Non, je la porte pas, celle-là. Mais c'est que là, il dit que ça sent l'iobe, puis le iobe était dans le sac en plastique, puis le sac en plastique, il y avait de l'argent, puis on dit que l'argent, c'est machiavélique. C'est-tu du bon sens? Ça a un sens, ça, là. On ne vient pas d'inventer quelque chose. Là. C'est le même, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Ça coule de source. En coulant de source, je me dis, rapidement comme ça, là, tu sais, on n'est pas là pour... moi, j'étais pas là pour faire un mémoire universitaire. J'étais là pour constater ce que je sentais, ce que je voyais, puis ce qu'on me racontait, puis c'est ce que je voyais aussi. Donc, c'est l'immédiateté. L'immédiateté. Mais là, en direct, l'instantanéité. J'accepte-tu cet argent-là, moi, là? Ça sent le... Ça sent la... Hein? Ça sent l'outrepassé. L'outrepassé! C'était un vendredi soir, avec ma noire et mon chemin perdu dans la forêt où j'aimais me ramasser. Un soir, mets de l'écho, un soir où j'étais sobre, j'ai vu voler un globe, laisse-moi chanter, un globe, ok, qui s'allumait comme il voulait sur ses idées et sur mon passé. Viens, petite, viens. Là, c'est là que ça... Non, là, on sent que le rythme n'est plus, hein, qu'il y avait une recherche tout à l'heure, mais on l'a perdu. Donc, on pourrait, en improvisation, faire dérapage. Ça n'existe pas, mais je viens de l'inventer. Dérapage. C'est-à-dire qu'on était bien situé, on voyait la route, on sentait le tournant, on l'a manqué. Dérapage. Au moins, il n'y a pas eu de capotage. Capotage, c'est pire. C'est quand tu dérapes et que tu continues. Là, il y a capotage. Puis quand il y a capotage, on peut se faire éliminer. On peut se faire sortir du jeu. Puis quand tu es le seul animé, il n'y a pas 5 joueurs, je suis seul. Si je m'auto-capote, je m'extirpe moi-même de mon émission. Donc, c'est quoi? Ben, au moins, tu vas faire jouer de la musique. Ça risque d'être plus intéressant. Non. Là, ce que tu es en train de faire, là. Tu nous fais en direct ce qu'il ne faut jamais faire. De l'interprétation. Toi, tu n'aimes pas ça. C'est pas parce que toi, tu n'aimes pas ça que la majorité n'aime pas ça. Puis même si 99 272 personnes n'aiment pas ça, il y en a un qui se la bidonne ou qui trouve le lien dans tous ces faux liens. Si on en rejoint un, c'est celui-là qu'il me faut, c'est celui-là à qui je veux parler, ou c'est à celle-là, surtout les selles. Les selles, moi, là, ils sont consistants. Non, pas ces selles. Les selles, c'est ceux et celles. Féminin de ceux. OK, c'est bien de diriger le discours, là. Ça aurait pu capoter. Non, on ne peut pas capoter. Je te l'ai dit, nous sommes seuls. Capoter seul, là, on peut le faire, mais pas à la radio. Un bon samedi, là, assis sur son fauteuil, les mains agrippées, il faut toujours avoir les mains agrippées, si on capote, hey, wow! Que ce soit intellectuellement parlant, si on parle aussi de l'imaginaire, si l'imaginaire capote, puis tu ne tiens pas bien, tu risques de piquer du nez. Puis si tu piques du nez, ben par où tu vas piquer, tu vas saigner. Un avion qui pique du nez, croyez-moi, ça saigne. Et le sang est remplacé par le feu, donc ça explose. On appelle ça un crash. Ils nous cracheront point ici ce soir, puisque nous avons quand même une certaine dignité, un minimum de dignité. Le minimum, c'est quoi le minimum de la dignité? Oh, ça pourrait une question, ça. Une question à l'école d'examen. Qu'est-ce que le minimum? Le minimum de quoi, madame? Minimum salarial? Ah, mon Dieu, c'est ridicule. Ridicule. Mais il y a des questions comme ça, hein? On lance, on parle, on se lance des sujets, des idéaux, on se lance de l'imaginaire, un peu comme des super-héros, hein, qui ont des pouvoirs, puis qui les lancent comme ça. Pour celui qui... Moi, à être un super-héros, on va parler des Misérables de M. Hugo, là. Quand il est parti, Hugo... Marcel Hugo! Non, c'est Ticu Hugo. Ticu Hugo! Ah, moi, je connais pas ça, moi. Ah oui, c'est celui qui restait à sa deuxième pierre mondiale. Oh, personne n'a connu la deuxième pierre mondiale. Ah, ça n'a jamais été médiatisé aussi, la deuxième pierre mondiale. Il la médiatisera. un court-circuit? Non, c'est une circonstance atténuante d'un discours qui pouvait, qui aurait pu capoter. Pourquoi les médias s'acharnent sur des sujets et laissent aller d'autres idées, d'autres événements? Intéressant, hein? Dis-moi quel journal tu lis, je te dirai qui tu es. Moi, je lis plus de journaux, moi. Hey, fait longtemps que je lis plus de journaux, je suis dans mon époque. Man. Qui lit le journal aujourd'hui à part les personnes âgées? Je n'ai rien contre les personnes âgées, heureusement qu'ils ont leur journal. Leur journal. Une personne âgée a son journal, des personnes âgées ont leurs journaux. Journaux. Des journées longues à lire le journal. Wow, c'est long. Plus le journal est long, ben en fait, plus le journal est long, plus il y a de publicité. Plus il est court, plus il est consistant. Parce que ce qui fait vivre aujourd'hui un journal, c'est la publicité. C'est vous qui faites qu'en sorte ce que vous allez lire reste encore. Vous avez une voiture à vendre dans le journal. Hein, on va publier dans les annonces tossées. Tosse-moi ça. Puis on disait que classé à une certaine époque. Excusez-moi, j'ai comme un... Exactement. Oui. C'est la sécheresse. Avant la toux, il y a comme une sécheresse. Exact. Aller sécher ce chat, ben, il n'est pas mouillé encore. Oh, ça fait du bien. C'est ma limonade préférée. Puis là, je m'en confesse. J'haïs celle qu'on prépare avec de l'eau et du citron. Parce que c'est pas assez sucré, c'est pas assez... Moi, c'est la bonne limonade commerciale. Mais ça dépend laquelle. Là. Je vous dirai pas la marque, là, mais... Je l'adore. Mais je rajoute rien d'autre. Pas de citron. Non. Elle est comme la pâte al dente. Elle est parfaite comme ça. Ils l'ont fait sur mesure pour ma démesure. Alors, les annonces classées qui sont devenues tassées. Je commence. Hein? Tranquillement, hein? Vous sentiez que ma voix allait couper, hein? Ça, pour les gens qui connaissent l'univers audio au lieu de l'audiovisuel, l'audio, uniquement l'audio, pas de visuel, on est comme attiré par des petits détails. Hein? Quand on toussote, là, vous allez me dire, tu n'avais pas de petit toux? Non. Non, mais je me préparais. Là, je voyais là, que... Je voyais pas, mais je sentais comme un volcan que tout allait monter. L'éruption. Donc, j'ai été plus intelligent que normalement je le suis. J'ai prévenu la chute. Donc, j'ai pris 3 bonnes gorgées de limonade. De ma limonade préférée industrielle. Mais, pas industrielle, mais pas tant que ça, puisqu'il y en a pas beaucoup qui l'aiment, la mienne. Donc, les annonces. Hey, ça, c'est un bon moment de publicité. Mais non, je n'ai pas nommé la sorte de Lily. On m'appelle Lily Limonade. On m'appelle Lily Limonade. Puis qu'est-ce que tu as mis dans ta limonade? Je mets rien! Pas de zeste de citron, pas de glace, parce que la glace, ça ramène l'eau. Hein? Pour moi, là, rapidement, là, sans trop réfléchir, de la glace fond. Et si ça fond, ça fait de l'eau. Si ça fait de l'eau, ça dilue. Si ça dilue, c'est moins bon. Dans ta boisson gazeuse, ne demande jamais de la glace. C'est épouvantable. Au moins, tu peux réclamer un verre glacé, tu sais, qui sort du congèle. Comme ça fait du frima. Si tu as du frima sous tes lèvres, j'aimerais m'y abreuver. Jamais demander de la glace. Même dans un cocktail, J'adore les cocktails. Quand je vais dans les bars, jamais de bière. Je peux en boire chez nous, de la bière, c'est pas compliqué, tandis qu'un cocktail, c'est plus complexe. J'en avais des préférés, kamikaze, zombie. Mais à une certaine époque, je prenais des triples zombies, il y a 20 ans. Là. Je suis allé voir un spectacle d'Arthur Ashe. Et puis même, ça a été capté et ils en ont fait un album qui s'appelle « En chair et en os ». On peut dire où c'était. C'était sur à côté de la fourmi atomique, au Dauteuil. Beau, belle salle qui n'existe plus. Et donc, on va revenir aux anastasies, faites-vous en pas. On n'est pas trop, on n'est pas pressé. Comme l'orange, coucou, comme le citron. Alors, j'ai vu des spectacles mémorables, dont Noir Désir, Arthur Ashe, En chair et en os. Le gars qui crie, là, ah, c'est moi, je fais partie de l'album. Quelques années plus tard, je le rencontre. C'est pas compliqué, la vie. Frappez, on vous ouvrira. Ça, c'est. Les gens me demandent souvent, Rénal, comment tu fais pour pouvoir contacter autant d'artistes connus, très connus, presque connus ou inconnus? Parce que les inconnus ont beaucoup plus. Ont une crainte à me rencontrer. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, est-ce un crime? Ah, il l'a appris, je sais, il l'a appris. Mais non, je suis curieux. Peut-être trop curieux, comme le disait un album de mon ami Décono, un artiste québécois. Je vous ferai jouer. Ah, peut-être aujourd'hui, je vais vous faire jouer la chanson qui s'appelle Trop curieux. Comment il s'appelle le Bécomo? Peu importe Bécomo, mais oui, Bécomo, hey! Bécomo, c'est entre cette île puis l'Asie mineure. Bécomo, c'est un endroit où les annonces sont classées. Quand l'affaire est classée, c'est classé, mais les annonces dans le journal, on revient au journal, sont classées. Puis là, comme il y a moins de monde qui feuillette le journal, il est place à des jours stratégiques. Rubrique de mortalité. C'est normalement le jeudi où tous les morts sont là. Ben, sont là. Oui, ils sont là. Viennent hanter le journal. De leur beau sourire. Je suis mort, regardez. C'est moi qui est mort. J'ai été repassé. Yeah, je l'ai eu. Hey! heureux. C'est bien d'être heureux. Même à la fin, hey! C'est mieux que de prendre une photo quelques secondes avant, là. Quoique, pour les personnes qui meurent en plein coït, ça peut être intéressant. Là. Le sourire est là. Crise cardiaque. La fille prend photo ou le gars prend la photo de la fille. Fini là. C'est la première photo, hein? La dernière et la première photo que tout le monde va voir. Ah! On peut. C'est même pas une photo post-mortem. C'est une photo saisie entre la vie et la mort. Comme une vidéo, là. Hein? Tu sais, la vidéo que vous prenez là, d'un accident. Vous avez votre téléphone, t'appelles. Georgette, attends un peu. Attends, je vais mettre en votre vidéo. Il se passe quelque chose. Il y a un dérapage. Dérapage durant de l'émission. Il y a un capotage. Le gars à radio est en train de capoter. Attends un peu, je vais filmer ma radio. Mais même si tu filmes ta radio, tu ne verras pas le gars capoter. C'est de la radio. Dans ta tête, tu peux le voir capoter. Mais en réalité, il capote d'une manière sonore. C'est la sonorité qui te fait croire ou qui t'amène l'imaginaire aussi intense que tu crois qu'il va capoter. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Écoute-moi ça, il cap... Ben, c'est la personne qui fait une histoire avec ça qui lui-même est en train de capoter. L'arroseur arrosé. Le miroir, le gars qui se regarde devant. L'histoire du miroir, c'est important. C'est intéressant. Comment il s'appelle, donc, l'effet miroir? Lacan, qui a trouvé le terme l'effet miroir ou quelque chose de semblable à ça. Tu sais, t'es propriétaire d'une entreprise. Tu aimes bien te rincer le gorgodon. Hein? T'as le gorgeon très puissant. Puis là, tout le monde autour de toi là, qui n'est pas dans la norme, là, c'est-à-dire qui n'écoute pas, je les nommerai pas, là, les chanteurs radiophoniques d'une radio commerciale, des radios communes en général, des radios qui font la promotion de ben des bêtes. comment dire? Le cirque médiatique, oui. Ben là, s'ils voient quelqu'un qui écoute ou qui s'intéresse à autre chose, dans sa tête de gorgojon, tu sais, celui que le gorgojon est vraiment liquidifié par le houblon, ben, tout le monde dit hey, lui, comme la chanson de Serge Gainsbourg. Mais il connaît pas Gainsbourg, ce gars-là, là. C'est certain qu'il connaît pas Gainsbourg. Il dit comme ça. Parce que, en parlant de Gainsbourg, parce qu'il y a une chanson, là. Je bois à trop forte dose, je vois des éléphants roses. Ce gars-là voit des éléphants roses, il voit même des choses qui n'existent pas. C'est l'effet miroir. Le type Hein? Oui, c'est ça qui fait une histoire avec pas grand-chose. Mais il n'y a pas si longtemps, il sniffait de la... Hein? Il sniffait sa ligne de chance. Aujourd'hui, il est tombé dans une entreprise. Hey, j'ai une entreprise. Hey, je dors avec ma banque, puis je me réveille. Puis, oh, j'ai une entreprise. Ces personnes-là sont vraiment à suivre de près, là. Pas trop près, là. Il faut quand même s'éloigner un peu, là. Mais c'est des bons clowns. Puis le grave problème des clowns qui le sont sans le savoir, c'est qu'ils font de leur numéro sans pour ça... comment dire? Donc, tu peux le dire, mais on va le dire. Sans pour ça se rendre compte de ce qui se passe. Pour celui qui a le recul, il trouve ça gros, mais pour lui, il est dedans. Quand tu es dedans, tu peux pas sortir de toi pour examiner ce qui se passe. Donc, t'es dedans. C'est intéressant, ça. Les annonces sont aussi. On continue avec ça. Ben oui, parce que là, le jeudi, dans la rubrique monologuiste, la mortalité est subitement étampée dans le journal, avec le dernier sourire, c'est pour ça que Michel Louvain chante « Pour un dernier sourire. » Donc, si tu as des choses à vendre, tu mets ça dans les annonces classées. Puis là, plus il y a d'annonces classées, ça devient tassé. Tassez-vous de là. Parce que il n'y aura plus grandes informations là-dedans. La seule chose, c'est « Y a-t-il quelque chose à vendre, à louer, à prêter? » Moi, j'ai ma femme. Y a-t-il la rubrique « Femme à prêter »? Non, moi, je me la prête pas. Je la prête, oui, mais je la prête à aucune sauce. Ah, mon Dieu, ça risque d'être pas mangeable. Ça fait 35 ans que je vis avec ça. Là, pis, oh! Cuit, pas cuit. Humide, pas humide. Stimé, pas stimé. Je l'estime plus. On est mariés. Je veux pas l'estimer. On est mariés. Il y a un papier qui dit là, pour le meilleur et pour le... Ouais, ben, c'est ça. Le « ouais » est tout le temps là. Ah, mon Dieu. On a fait deux beaux enfants. Mais à chaque fois qu'on faisait des enfants, on se disait ça va améliorer le couple. Sans se rendre compte que c'est pas les enfants qui améliorent le couple, c'est le couple qui doit s'améliorer lui-même. Si le couple fonctionne pas, là, les enfants vont rien faire pour changer la chose. Puis au contraire, t'en fais, là, tu dis « oh, je l'aime plus. Divorce. » On appelle ça les enfants du divorce. Y en a-tu des enfants du divorce, hein? On en fait pour se faire croire que ça peut être mieux, puis on voit bien, puis on le sait, tout le monde le dit. Ah non, si ça va pas dans le couple, là, même les enfants ne changent rien. Mais malgré ça, il y en a qui se disent, oh, mais moi, c'est pas comme ça que... Moi, ça va fonctionner. Moi, ça va fonctionner, mais ça fonctionne pas. Les Misérables. Victor Hugo. Ça, c'est les auteurs et leurs citations étonnantes. J'ai pas nettoyé mes lunettes. Ah, j'ai comme une tache noire. Une tache noire. Mon père me voyait là, à la fin de sa vie, puis la nuit, puis il disait, hey, regarde, c'est la tache noire, c'est moi. J'étais toujours habillé en noir. J'étais toujours encore habillé en noir. Pourquoi? Parce que je connais pas mes couleurs. Puis je sais que le noir, c'est un ton comme le blanc. Pas pire, hein? Pas pire, hein? Alors, je me rends compte que le temps qu'il nous reste... C'est pas ça qu'il disait, lui. Il dit... Je me rends cette justice qu'en fait de sans culotte, je n'ai jamais aimé que les femmes. Je me rends cette justice qu'en fait de sans culotte, je n'ai jamais aimé que les femmes. C'est bizarre. Étonnante. Pourquoi il lance ça comme ça, là, Victor Hugo? C'est-tu de l'autofiction? Gaston Leroux. Ses mains étaient froides comme celles d'un serpent dans le mystère de la chambre jaune. Sacha Guitry. Ah, lui, je l'aime, Sacha Guitry. Initial SG. Francis Huster a fait une pièce de théâtre là-dessus. Puis il faisait l'analogie au tout début de la pièce. SG, Sacha Guitry. SG, Serge Gainsbourg. Dans les deux cas, il les avait connus. Gainsbourg, parce qu'il avait tourné dans Équateur, film assez intéressant, très intéressant. Baroque, underground, très underground, comme Je t'aime moi non plus, le film. Comme Stand the Flasher, le film. Et comme Charlotte Forever. Quatre films totalement différents, mais totalement intéressants. Alors, il disait, ce soir, je vais faire 30... Ce soir, je vais faire 30 cocus d'un coup. Je vais coucher avec ma femme. Il est drôle, hein, Sacha Guitry? Il y a du Guitry là-dedans, hein? Sacha Guitry, on continue? Non, on y va encore. Ah, oh, mais il y a un autre truc de Sacha Guitry. Mais je leur dis, ce soir, je vais faire 30 cocus d'un coup. Je vais coucher avec ma femme. Quand se décidera-t-on à prendre les comiques? C'est sans doute au sérieux parce que je dois tourner la page. Tourne la page! C'est bien sérieux. Hein, oui, ça finit là. Il dit, quand se décidera-t-on... Excusez-moi. Quand se décidera-t-on à prendre les comiques au sérieux? Toujours Sacha Guitry. Je décroche parce que je veux mieux lire. J'ai pas de luminosité. Maintenant, ça va. J'aime vous dire ce qui se passe, parce que comme ça, vous n'êtes pas dépourvus. Mais comment ça, on entend des micros? Ben oui, c'est normal. Lanctanus Firmianus disait « L'idée folle selon laquelle la Terre est ronde est la source de cette légende imbécile. » Extrait de Ompifico Dai. Lovecraft disait « Les dieux nous ont créés par erreur ou par plaisanterie. » Les dieux nous ont créés par erreur ou par plaisanterie. Prosper Mérimée. Hey, lui, je l'ai connu, Mérimée. Et je m'en rappelle pas très bien. Parce que j'étais pêcheur. Pas pêcheur, pêché. Je faisais pas de pêcher de même, mais à la truite. La petite truite. La petite truite du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, oh, c'est de la belle petite truite, mais vigoureuse. Bien vigoureuse. Là. Ta canne à pêche. Là. Tripotait, mon gars. Là. La ligne était tellement fébrile qu'elle était heureuse de frétiller autant plus que le poisson. Alors Prosper Mérimée disait elle partit d'un de ses éclats de rire de crocodile. Elle partit d'un de ces éclats de rire de crocodile. Ça, on appelle ça aussi des larmes de crocodile. Mais c'est bon aussi comme idée. C'est dans dans Carmen. C'est dans Carmen, bien, dans Carmen. L'œuvre dans Carmen de mon ami Prosper Mérimée dit, elle partit de ses... Elle partit d'un de ses éclats de rire de crocodile. Il dit aussi, Prosper Mérimée, toujours... Non, c'est pas dans cette pièce-là, c'est dans Columba. Enfin, mettre la main sur ses yeux comme ces oiseaux qui se rassurent. Enfin, mettre la main sur ses yeux comme ces oiseaux qui se rassurent. Qui se rassurent de quoi? Ben de s'envoler et avec l'âme de la personne à travers l'image qu'elle aura. Elle aura qu'elle mérite. Plus elle est bonne, plus elle sera scintillante. Qu'est-ce qui sera scintillant? Bien, l'aura. Au-dessus de la tête, l'auréole. Oh, auréole brise-bois, tu l'as connu. Ah, moi, ben, je l'ai connu. Je voulais le connaître, mais lui, il ne voulait pas me connaître. J'étais connu. Et juste pour ça, il s'est dit non. Je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Moi, des gens qui sont un peu comme l'eau, insaisissables. Ben, prends un verre, mon champion. Ben, un verre d'eau. Un verre de terre. Un verre, mais avec la main, essaye de saisir l'eau. Tu vas faire le. OK, tu vas créer un creux, là, comme on nous l'apprend dans les dans le scoutisme. Comment sauver sa vie en pleine ville? Non, mais si tu ne trouves pas d'eau en ville, là, attends la pluie. Dans ta main, fais un creux comme un verre. Un verre à boire, pas un verre de terre. Là. Et ensuite, lorsque tu auras quelques gouttes, lèche ta main dans laquelle il y aura les gouttes. Là. Pas lécher la main, le revers, parce que l'eau va couler. Ça demande de l'intelligence, là. C'est pas facile. Puis en parlant d'intelligence, j'ai bien le goût. Bien le goût. Plus goût. Ben non, mais avoir un goût plus que ça, là, c'est comme un mec que tu manges trop de fois. Tu connais déjà. Tes papilles réagissent même sans avoir touché le mets. Ça, c'est vraiment là, de la quotidienneté. Ça, c'est vraiment des gens. Ben moi, avec mon spaghetti, c'est ça, hein? Je sais ce que ça va goûter, mais j'aime ça. C'est l'habitude, c'est réconfortant, mon spaghetti. Jus de légumes, juste du jus de légumes, poivre, sel d'ail. Puis une motte de beurre. Mais quand je veux être vraiment... ma motte de beurre, là, je l'aime bien. Là. Quand je l'oublie ou quand j'en mets pas, je le sens. Au goût, c'est pas pareil. Puis ce qui est pas pareil, c'est si je fais pas jouer cette introduction avant de vous parler d'autre chose. Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Merci Claude. Est-ce que vous connaissez Grand Blanc? Grand Blanc. Pas Michel Blanc, là. Grand Blanc. Mais oui, il y a Grand Corps Malade. Oui. Mais plus grand que ça. Ben, il n'y a pas plus grand que ça. Écoute, moi, quelqu'un qui aligne et qui enligne des mots et des sensations aussi extraordinaires, il n'y en a pas d'autre. Oui. Grand Blanc, c'est pas Grand Corps Malade. Là. Dans Grand, il n'y a pas juste un grand. Michel Legrand. Ouais, mais ça, c'est son nom. Mais moi, le prénom, c'est Grand. Grand Blanc. Ouais, mais c'est peut-être un nom d'artiste, là, Grand Blanc. Ça, je sais pas. J'ai pas encore creusé. Puis même, c'est la première fois que je vais entendre cette chanson-là avec vous. Oh, tu nous fais, en plus, écouter un scoop. Oh, bien, un scoop, pas vraiment, là. C'est une chanson de 2016, l'année dernière. Mais l'intérêt, c'est que je l'ai trouvé sur une compile. Et une compile que je respecte énormément. C'est les incorruptibles. Oh oui, avec Elliot Ness. Non, c'est pas les incorruptibles. C'est les inrocuptibles. Les gagnants, c'est pas facile à dire, hein? Combien sont ces six ou six sont six? Ces six ou six sont six ou six sous? Les inrocuptibles. Grand Blanc. La chanson s'intitule Surprise Party. Des bons moments et profiter de l'amour. Ainsi je vis ma vie. Est-ce que tu te sens en ville? Tu es perché bien loin dans le réseau social. Animal, tu vis dans la jungle et tu cherches une place quand la lumière du jour te révulse, mais celle des réverbères te traverse l'esprit. Et quand la nuit tombe, tu sens ta gorge qui se serre. Est-ce que tu ressens la sensation bizarre que tu as quand tu entres chez toi, loin des regards de la ville? Et là tu tournes en rond, alors tu te décides à sortir. Tu prends l'ascenseur et dans la rue Saint-Denis, tu tombes sur une pute qui te dit: bah alors toi, qu'est-ce que tu fous là? Viens voir mon garçon, c'est pas la première fois que je te vois ici. Pourquoi tu passes toute la soirée à boire et à errer dans la rue? De bar à l'after, la boîte de nuit, toujours les mêmes histoires. Toujours la même soirée, tu enfiles ton blouson de cuir, les lunettes, les bottes qui raclent le sol. Tu prends l'ascenseur et là, tu pisses contre un mur. Pour toi, la nuit sera blanche. Tu t'enfonces dans les rues de Paris tragique, à base de Starlight et Jean Grenier. Je me reconnais très bien, puisque ce que l'on vient d'entendre, ce n'est pas Grand Blanc, mais ça suivra mon propos, en fait, ma correction. Nota Bene, non, c'est pas Nota Bene, c'est Erratum. Un Erratum, oui. C'était la femme qui nous, le groupe La Femme qui nous chantait SSD. C'est la deuxième chanson que j'ai voulu vous faire entendre, mais j'ai inversé le tout. Mais quand tu fais ton spaghetti, ne pas faire la même chose. C'est-à-dire, mettez pas le jus de légumes avant les spaghettis parce que vous allez manger sec, hein, s'il vous plaît. Mais maintenant, c'est Grand Blanc avec Surprise Party. Mais avant, là, ce qu'on a entendu, superbe chanson, c'est La Femme. SSD. OK, là, on va entendre La Femme. SSD. Non, non, non, non, non, non. Nous avons entendu... Oh, je comprends. Attention, je suis rapide, moi, là, là, hein? Moi, on me la répète pas deux fois, mais 10 fois. 10 fois sans une. 10 fois sans une, mais là, ça va être une seule fois. Mais non, t'es déjà rendu à 5, c'est vrai. Grand Blanc. Surprise partie. We'll be right back. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action! Cinéma. Ah, j'adore le montage que j'ai fait de cette chanson de Philippe Léotard qui s'intitule Cinéma. Même la chanson originale. Je vous la ferai jouer en totalité à un moment donné. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue chez moi, chez nous, chez vous. La porte est ouverte. Mais enlevez vos souliers, vos bottes. Si vous n'avez pas de bas, ben j'ai des petites pantoufles. Des belles pantoufles tricotées, serrées, par Rita Biblo. Elle aime ça, tricoter, elle. Le plaisir, son plaisir solitaire, parce qu'elle a juste ça, c'est de tricoter. Elle vous tricotera n'importe quoi. Vous attendez un petit bébé? Elle va vous le tricoter, votre bébé. Non, elle va vous tricoter le petit chapeau, les petites mitaines, puis les petits bas. Et comme ça, on l'aime de même. Alors, mettez les petites pantoufles de Mme Rita Biblo. Elle sera tellement heureuse. Je sais que les couleurs sont baroques, mais la dame l'est tout autant. Alors, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Indépendante, hein, pas indépendante. Quoique, il y en a qui sont bandés là-dessus, là. Ils ne vivent que pour ça, puis... Mais tu parles-tu de l'animateur? Bon, on n'est pas loin, oui. On n'est pas loin de l'animateur. On est même à quelques centimètres, là. Le micro est où? Ben, il est devant lui. De qui, ça, lui? Ben, l'animateur. C'est qui, ça? Ben, c'est lui. Lui qui? Lui où? Lui là. C'est pas à mort. Attention! Facebook veut... Mais on peut pas faire... Mais on peut pas aller plus loin dans le truc, là. Vous connaissez le rouage. Donc, je vous présente directement mon ami. T'as des amis, toi? Ben, non, j'en ai plus beaucoup. Mais aujourd'hui, le vendredi 28 avril 2017, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée... OK, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Je réponds déjà à des textos. Les gens m'envoient des textos, c'est merveilleux. C'est ça le direct. Comment on peut faire pour t'envoyer? Ben, Rénal Québec à commercial@hotmail.com. Tu vas pas assez vite. Rénal Québec à commercial@hotmail.com. Puis qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ben, la vérité. La vérité. Surtout. Surtout la vérité. Aujourd'hui, le vendredi, on l'a dit, 28 avril 2017, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. C'est lourd, des valises, là. Remplies de choses indescriptibles. On peut même pas vous les décrire. On va aller directement à mon invité parce qu'en 2016, j'ai eu la chance, et la semaine prochaine aussi, hein, le 5 mai, je consacre mon émission à la même artiste que je vous divulgue à cet instant, à l'instant. À cet instant, à l'instant, à maintenant, là, maintenant. Être au monde, c'est être toujours déjà là. Tu le dis? Ben, je le dis souvent, j'aime ça. Paris n'est pas un nom de bataille, mais le véritable patronyme de Pauline. Pauline Paris ne ressemble à rien, si à elle-même. Pff, grand joie. On parle de ce titi parisien à la plume décalée comme d'un heureux mélange de Piaf et de Catherine Ringer. C'est une surprise, une énergie et un électron libre. Elle aime. Elle aime raconter des histoires et fusionner avec chacun de ses héros. Suzy D, emprisonnée par le vieux Paris, la star de X qui était interne dans une école privée, cette ville magique qui s'appelle Moureuse. Quoi? Vous n'avez jamais été amoureuse? Wouhou! Sergine, qui a eu sur... elle l'a fait dans mon spectacle privé. Sur le banc des abeilles. Tout ça, là. Pauline va nous le raconter mieux que moi. Parce que là, je suis en train de vous lire un texte. Mais c'est bien mieux quand c'est l'artiste, quand c'est Pauline. Et personne d'autre qui prend le micro de CKRL et d'Errance Rénaldienne. Tout ce qui suit, c'est son œuvre, c'est sa voix, c'est sa création. C'est elle. Alors, je vous présente solennellement. Oh, hey, ça, c'est rare que tu dis ça. Ah oui, c'est très rare. Mais ça a été un de mes coups de cœur 2016. Pauline Paris, c'est un de mes véritables coups de cœur, comme l'année suivante. La nuit? Oh, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Mais si je continue, moi, ça ne me dérange pas, mais la nuit, je mens. Oh, ben au moins, tu le sais, là, tu mens la nuit. Le jour, j'essaie de moins mentir. C'est quand même très bien. Mais l'année avant, c'en était un autre. Tu peux le nommer? À la mémoire, là, son nom ne me revient pas. Non. Mais peu importe. Aujourd'hui, maintenant, on le dit, mais c'est pas grave. Je vous propose et je vous présente mon ami, je l'espère, avec, à la fin, un mini-concert qui se terminera la semaine prochaine. Pauline Paris. Mamzelle de machin chouette s'est mise sur son 31 pour aller courir les cœurs dans les bars chics de Saint-Germain. Mamzelle de machin chouette a passé l'âge d'attendre, et dès qu'elle franchit le pas du premier bar venu, au premier venu elle dit: prends un petit verre mon grand coquin, il est pour moi si je suis pour toi. Prends-moi vite avant que je ne t'attrape, tournons ensemble jusqu'au matin. Prends un petit verre mon grand coquin, tu sais que t'es bon à en crever. Et si je crève, je commentais où sont les hommes et le bon vin. Mamzelle de machin chouette s'est couverte de bijoux pour cacher que ses seins pendent comme les poids d'une horloge. Mamzelle de machin chouette voit bien que tout le monde rigole quand elle en prend un sous le bras, vendre ses qualités pour lui vendre son cœur. Prends un petit verre, mon grand coquin, il est pour moi si je suis pour toi. Prends-moi vite avant que je ne t'attrape, tournons ensemble jusqu'au matin. Prends un petit verre, mon grand coquin, tu sais que t'es bon à en crever. Et si je crève, je commentais où sont les hommes et le bon vin. Mamzelle de machin chouette ne sortira plus le soir, paraît qu'elle a bu un verre de trop. Pauvre vieille va, comment elle s'appelait déjà? Mamzelle. C'est rare qu'on m'appelle. C'est assez rare. Ah oui, c'est rare qu'on m'appelle. Oui. Oh oui. Mais parce que j'étais avec quelqu'un ici au Bruant. Je discutais. Ouais. Puis là, ça sort. Là, ben voyons. Puis là, heureusement que tu t'es nommé parce que là, j'étais perdu. Là, oui, j'ai senti. Oui. Puis en plus, j'étais parce que souvent, lorsque je reçois des gens, je suis accaparé, je suis dans leur monde. Donc, quand je réponds, je suis comme, mais ouais. En plus, tu étais en train de l'enregistrer? Oui. Ah oui? Ben, je fais toujours ça. Tu l'as entendu dans le... Ah, mais ça, c'est pas grave, ça. Ben, ça, au contraire, c'est ce qui me plaît. Pour ça que je suis ici, à l'extérieur, non pas à l'intérieur. Donc, ça crée l'intérêt urbain. Oui, parce que j'ai eu une hésitation. Je t'avais pas répondu sur Facebook. Alors, du coup, j'ai... Ah, tu croyais que ça fonctionnait plus? Ouais, ou je te proposais un peu plus tard parce que je m'étais réveillée il y a pas longtemps. Oh. Mais en même temps, c'est très bien. Moi, ça m'a permis de sortir. OK, c'est bien. Rapidement du lit. Voilà. Bang, bang. C'est clair. Bang, bang. Est-ce que c'est ton véritable nom, Pauline Paris? Ouais. Oui, c'est mon nom. Et c'est pour ça que tu t'es senti presque une obligation de prendre ce nom-là et... Non, mais en tout cas, ça m'a aidé à tourner en dehors de la France. Ben oui. Parce que les gens entendent ça, ils pensent au vieux Paris et ben oui. L'Allemagne, ça marche bien. Et tout ce... Ouais, voilà. Chanel. Ouais. Ça aide. Mais qu'est-ce que... À l'origine, tu viens de quel endroit de la France? Je suis née à Paris. OK. Donc vraiment Paris. Quel arrondissement? En fait, je suis née dans le 15e. OK. On a vécu à Issy-les-Moulineaux, qui est une banlieue qui colle Paris. Ouais. Et ensuite, à 12 ans, j'étais dans Paris. Bonjour, je peux vous prendre un café, un verre d'eau? Merci. Et est-ce que tes parents écoutaient de la musique? Ouais, un peu. Et quel style musical? Ils écoutaient... Alors, mon père, c'était plutôt genre les Beatles ou du classique. Okay. Et ma mère, c'était plutôt Brel. Et Brel. Mais mon père détestait Brel. Pourquoi? Donc, il se battait. Parce qu'il trouvait qu'il avait une manière un peu... une façon un peu maniérée, trop... exagérée. Trop exagérée, ouais. Comme le théâtre grec. Voilà. Par contre, il adorait Barbara. Qui a pourtant une manière assez... Oui, mais elle est plus douce, Barbara. Elle est plus douce, plus ouais. Vivace, c'est plus... Oui, c'est ça qui le dérangeait, je pense. Oui, c'est peut-être le côté enragé. Ouais. Tandis que Barbara, c'est le côté douce, emporté, chagriné, déchiré. Ouais, voilà. Ouais, c'est plutôt maternel. Barbara, c'est maternel. Tandis que Brel, c'est celui qui revendique avec fougue. Et donc... puis surtout, c'est quelqu'un... qui te ramène des travers de la société. Ouais, ouais. Barbara raconte plus sa vie, elle dénonce la société. Merci beaucoup, je t'en prie. Et toi, qu'est-ce ouais, que... Ouais, c'est vrai. Et toi, tu écoutais beaucoup plus Brel, sans doute, que... Ouais, moi, j'étais quand même plus Brel. J'adorais. Enfin, aussi, j'aimais bien Barbara aussi, cela dit, mais... j'écoutais... J'étais pas forcément très chanson, hein. J'écoutais vraiment tout. J'ai eu une période country où j'écoutais des classiques Roger. De country et je dansais du rock'n'roll avec mon frère dessus. Ok. J'ai que des noms de... C'était volume 1 de la musique country. Ah ok, les grands succès de voilà. country. Ouais. Willie Nelson et toutes ces... Ouais. Après j'ai eu une phase... c'est avec mes rencontres que je me suis mise à écouter des styles. J'ai rencontré un pianiste de stride, donc je me suis mise à écouter pas mal de jazz, stride, Art Tatum et compagnie. Et ensuite, quand j'ai rencontré un chanteur russe, il m'a fait découvrir tout Vysotsky. Ouais, Vysotsky, voilà, oui, il était très Vysotsky. Oui. Mon bassiste est punk, hein. Il m'a fait découvrir plein de groupes punk. Vysotsky est très brélien. Très... Ouais, alors ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quelque chose. Mm. On a pu aller jouer à Moscou pour l'anniversaire de Vysotsky il y a 3-4 ans. Et tu interprétais, tu chantais du Vysotsky? J'en ai appris une. Laquelle? En russe, Parous. Oui. Tu connais? Oui, ben oui. Tu connais? Oui. Parous. Caius. Ok, tu l'as pas parce que certaines personnes ont traduit l'œuvre de Vysotsky. Mm. Cet ami Sergueï, il chante, il est aussi traducteur et il chante à la fois les versions russes de Vysotsky, mais aussi il a aussi fait des traductions. Donc en effet, il y a beaucoup de chansons qui. Mais non, l'idée, moi, c'était, puisque j'allais à Moscou, c'était d'essayer de chanter en russe. C'est vraiment pas facile. Et c'est, ouais, j'ai mis 2 mois à l'apprendre. Mais est-ce que les gens comprenaient? C'était pas gagné. ils comprenaient. Par gentillesse, oh, yeah, yeah. Non, ils ont compris, mais après, ça a été filmé, ça s'est ressorti sur le net. Et j'ai pu voir les traductions des commentaires où ils disaient que quand même la version originale était bien mieux. Ouais, mais c'est non. Vrai que moi j'étais là avec mon papier quand même, ben au cas où. Ça faisait pas très sûr de soi, c'était Temps, il aurait mieux fait que je le fasse en français, mais... Oui, mais c'est pas notre langue, le russe. Non. Être plus permissif. Mais je trouvais ça bien de faire l'effort d'essayer, ouais, bon, ouais, tu ben vois, oui. Après... Non, je trouve qu'il y a les critiques, là, qui commentaient ta... Oui, voilà, ben, en plus, j'avais pris une cuite à la vodka la veille, Oh, ok, pour être plus visoski, pour être... Exactement. Et qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Ce qui m'a amené à la musique, c'est... Bah, franchement, j'ai commencé à 15-16 ans à jouer dans le bar en bas de chez moi. Et sans vraiment... Avec un fantasme, les fantasmes que t'as, ado, où tu te dis... J'avais quelques amis, pas beaucoup, j'étais timide. Solitaire. Tout ce que j'écrivais, j'étais solitaire. Ce que j'écrivais, je me disais que c'était du grand Baudelaire ou du grand Rimbaud. Et, une poétesse est née. Voilà. Moi, c'est moi. Sans jamais le dire à voix haute, mais à l'intérieur, ah, tu oui, sais. Il y avait cette... Et donc, je suis allée dans les bars en me disant je vais commencer dans la rue comme ces gens que j'admire, comme Piaf ou... enfin, voilà, ces gens qui partent un peu de rien et... Cela dit, je partais pas de rien, j'ai une famille quand même assez bourgeoise et tout ça. Mais bon, je commence dans les bars comme ça, et avec des grandes idées de reconnaissance et de gloire qui allait arriver. On voyait déjà en haut de l'affiche, toi tu te voyais en haut de l'affiche. Ouais, déjà en haut de l'affiche. À 20 ans, j'étais hyper connue. C'était... Ouais, oui, c'est ça. Mais oui. Tu vois? Les journaux vont parler de moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Attention, France Inter, j'arrive. Voilà. Une espèce d'arrogance qu'on a à l'adolescence où on pense qu'on est. Qui est aussi ce qui est très motivant. Ouais. Mais oui, on pense qu'on a vraiment inventé des choses. Mais tranquillement. On met des manteaux. On mûrit, ouais, mais... on gagne des choses et puis en même temps, on s'aperçoit que. C'est peut-être pas vraiment la réalité. Surtout quand tu fais des écoles, on te met dans un cocon, tu es la meilleure, mais quand tu sors de l'école, c'est une autre réalité. On nous prépare jamais à ça. Tu rencontres plein de gens géniaux, tout d'un coup, j'étais pas la seule. Tu es seule sur la planète. Et avais-tu le goût de composer, de chanter tes propres écrits? Si tu voulais faire de l'interprétation? Ouais, j'adorais. J'aimais bien me montrer, j'aimais bien... Et la réaction des gens face à ce que j'aimais bien montrer aux gens ce que je faisais, vraiment assumer. Très vite, Alors, je chantais un peu faux, je chantais en anglais un peu faux, mais avec beaucoup de... Dans des bars où ça parlait, avec beaucoup de conviction, et voilà, j'étais pas... Et en regardant les gens, beaucoup. Ah, okay. Et de tonus. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la suite, parce que c'est une présence que... qui surprend les gens aussi par rapport à mon caractère en dehors de la musique. Quand ils me voient sur scène, j'ai un truc qui se passe où j'ai pas peur des gens, j'ai envie qu'on est ensemble, on est une famille, je les prends avec moi et j'ai pas peur de les regarder, de soutenir leur regard, de dire des choses. Donc ça, c'était quoi la question, pardon? Est-ce que tu te voyais chanter tes chansons? Est-ce que tu étais prête à te lancer avec tes compositions? Tout en jumelant peut-être avec des adaptations ou des chansons connues? Au début, ce qui a été plus dur pour moi, c'était les reprises. Mais déjà, les chansons que j'écrivais, c'était... Au début, l'adolescence, ça parlait un peu de suicide ou de chansons d'amour. Les chansons d'amour, c'est quand même pas si dur finalement à chanter aux gens. Parce que ta voix, ça passe bien. Ça passe bien, on les conforte dans leur cocon. Mais oui, ben tu oui, vois, on les remue pas forcément. Les hommes du pont des arts me tiennent sans amour, mais ne jurent que par moi. Et naïfs, je les écoute. Les hommes du pont des Sars, ma scène de promesses et salisse de caresses, l'art d'aimer l'art. Pourtant la ville, elle danse pour moi et chante pour moi seule. même si elle pleure parfois des larmes de pluie, les seuls pleureurs la consolent. Pourtant la ville, elle danse pour moi et chante pour moi seule. Et elle me dit des vers que j'aime, ces vers que vous ne pouvez entendre. C'est pas grave aussi, un homme ou deux me casse, du moment que j'ai la ville pour me garder une place. Et tant pis même si le pont des arts s'écroule, du moment que la Seine continue de couler. Pourtant la ville, elle danse pour moi et chante pour moi seule. De toi, en toute saison, ils vantent des chants et ballades. Pourtant la ville, elle danse pour moi et chante pour moi seule. Martin, midi et soir, elle est toujours à l'heure de nos rendez-vous. Pourtant la ville, elle danse pour moi et chante pour moi seule. Même si elle pleure parfois des larmes de pluie, les seuls pleureurs la consolent. Pourtant la ville, elle danse pour moi et chante pour moi seule. Et elle me dit des vers que j'aime, ces vers que vous ne pouvez entendre. Groggy te rend un peu cinglé. Cigarette et whisky et petite pépé, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Tu sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. Tu sais que l'alcool, c'est pas bon pour ton foie. Quant aux petites pépées, c'est fatal pour ton cœur. Toi, tu prends les trois, tu dis qu'il n'y a rien de meilleur. Cigarette et whisky et petites pépées te laissent groggy, te rendent un peu cinglé. Cigarette et whisky et petite pépé, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Les femmes et le tabac, laisse-moi te l'expliquer. À peine allumé, ça s'envole en fumée. Mais tu as pris goût, il te faut mon petit gars. Une blonde à tes lèvres et l'autre dans tes bras. Cigarette et whisky et petite pépé te laisse groggy, te rend un peu cinglé. Cigarette et whisky et petite pépé, si c'est ta vie, raison de les aimer. Quand ton ange gardien, en se croisant les ailes, te dira tu viens, là-haut y a du soleil. Un dernier mégot, le verre du condamné, le sourire d'une fille, et vive l'éternité. Cigarette et whisky et petite pépé te laisse groggy te rendent un peu cinglé. Cigarette et whisky et petite bébé, bye bye la vie, y a plus rien à regretter. Errance Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.3 à Québec, avec Rénald Darling. Après, je me suis mise à écrire des choses un peu plus sur des personnages que j'ai croisés, donc des histoires et des choses un peu dures avec des histoires de meurtre, des choses. Et là, ben... Que tu avais vécu, que tu côtoyais, des gens que tu côtoyais Ouais. Des gens de la rue? Oui, voilà, des gens... C'était très urbain, une écriture urbaine, un propos urbain, des problèmes de la ville, des grosses villes. Ouais, sans jamais rentrer, j'ai jamais été dans le style de chanson engagée. Je sais pas écrire par rapport à la politique, à la situation actuelle. C'est vrai que ça, c'est vraiment un truc que je sais pas faire et j'ai pas assez de conviction là-dessus. Ouais. Tu vois? Tu veux pas non plus te mêler les baskets, là. Ouais, non, je sais que je peux dire quelque chose et penser le contraire le lendemain, donc je vais pas écrire une chanson qui... Ouais, qui va être dénoncée, puis le lendemain, qui sera plus... Voilà. Pour toi, la fine pointe de tes idéologies. Ouais. Mais... est-ce que tu tenais un journal lorsque tu étais ado, un journal de poésie, d'état d'âme? Oui, j'ai eu un journal. J'en ai même un maintenant, un peu, qui est sur ordinateur, qui est plus sur ces petits journaux avec papier crépon. Chez ou lit avec le crayon. Voilà. Il faut quand même être un peu installé, hein, placer l'ordi, puis commencer à taper. Avant, tu pouvais être couché. Prendre le crayon, c'est un peu terminé. Dans des feuilles volantes, j'avais beaucoup de feuilles volantes. Tu sais, quand t'es à l'école, j'avais plein de... Oui, tu mets ça dans un lit, mais ça, quand tu dors, le vent les emporte, comme le chantait Noir Désir. Le vent l'emportera, ouais. Est-ce que t'as le goût, lorsque tu fais des spectacles, de reprendre des chansons que tu faisais à une certaine époque? Oui, je fais ça. En ce moment, En ce moment, je revois quelques vieilles chansons que j'ai écrites à cette époque-là. Je les ressors. Je les découvre autrement. Parfois, je me dis « Ah, ces mots, j'aurais peut-être dû... aujourd'hui, j'aurais pas écrit pareil. » Ben, pour moi, quand une chanson a été... écrite. Et jouée, surtout, en public, j'ai beaucoup de mal à revenir dessus. Pour moi, c'est comme si c'était un... Un saut. Un saut, ouais. Donc j'accepte... Avec les imperfections. J'accepte ces imperfections. Comme quelqu'un, ouais. Tu rencontres quelqu'un, donc tu le prends avec... Comme une histoire d'amour, ouais. Mais à quel moment tu t'es dit « je vais abandonner mes interprètes pour me chanter » Alors j'ai jamais vraiment commencé par les reprises, en fait. J'ai commencé par la composition, moi. Et pour moi, les reprises, ça a été un travail beaucoup plus dur. Parce qu'il fallait se souvenir de paroles que tu n'avais pas écrites, c'est ça. Que tu n'avais pas pensé. Et que le public connaît. Et que le public connaît en plus, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une chanson de Bobby Lapointe que je joue souvent. Ah, tu chantes Bobby Lapointe. Oh. J'aime bien une chanson qui s'appelle Framboise. Oui, Framboise. Voilà. Sont les mamelles du dessin, c'est ça? Pam, pam. Ah oui, ben oui. Et ben, celle-là, à chaque fois, je faisais une erreur, c'était. Davantage. Au lieu de dire Caracas, je disais Pézenas, et au lieu de dire Pézenas, je disais Caracas. Et ça. Il y a quelques grands fervents de la chanson française qui venaient me voir à la fin du concert. Tout ce qu'ils avaient retenu, c'était ça. Ils me disaient, mais t'as pas le droit, il est. Je sais plus, il est né à Pézenas, il est mort à Caracas. Je sais plus très bien, il fallait pas. Oui. Et donc... Qu'est-ce qui te plaît chez Bobby Lapointe? Bonne journée. L'impertinence. Son... Le rythme aussi. Hein. Son... Une espèce d'autodérision par rapport à lui-même. Ouais. Son... qu'on retrouve un peu chez Bourvil aussi, ce côté... Ouais, mais Bourvil n'a pas composé, il faisait juste interpréter. Non, ah ouais, c'est ah vrai oui. Ah ouais, ouais. Ouais. Il n'y a rien composé. Ah, je pensais qu'il... Non, rien du tout, non, d'accord. Non. Alors, je retire ce que j'ai dit, mais en tout cas... Bourvil a pointe, punch, il a beaucoup... deux minutes là, pour une chanson, là, c'est très punk. Là. Ouais, deux ouais, minutes. C'est vrai, c'est puis très il y a tellement de mots... Faut pas faire ça lorsqu'on est un peu bourré parce que ça passe pas là. Ah oui. Ça demande de la mémoire, ça demande de la vivacité, ça demande de tu dois te ramasser. Si tu parce joues... que sinon tu vas te faire ramasser. Ouais. Comme Cathy Maquité, chanter ça bourré, c'est pas facile. Oui, puis même il faut avoir un sens de la prononciation. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un super travail d'ailleurs oui. de chant en fait. On devrait, les étudiants en théâtre devraient apprendre peut-être du Bobby Lapointe ouais. ou lui dire combien sont ses six ou ses sons-ci. Ouais, c'est vrai. Du Bobby Lapointe, au moins une chanson de Bobby Lapointe. Ouais. Ah, faut qu'on lance ça. Ah oh, ouais, ben écoute, tu sais déjà lancé. Les professeurs sont à leur crayon et choisissent la chanson. Et toi, à travers ces interprètes-là, est-ce que tes chansons se glissent à travers ou si tu fais tes chansons par rapport à ça de l'interprétation? Est-ce que ton tour de chant est conçu en deux parties? Avec les interprétations ouais. et les... En fait, la plupart, c'est quand même des compositions. Et pour rattraper, au bout de 5-6 chansons à moi, je glisse une interprétation pour... parfois dans les bars, voilà, pour savoir, en sachant que je vais récupérer ouais. un peu le public c'est à ce ça. Moment-là. Et je relance 5-6 morceaux à moi et hop. Donc en général, il n'y a pas plus de 4-5 interprétations dans mon set. Et tu chantes à quel endroit? Dans quel... Un peu tous les le arrondissements. Saint-Jean, est-ce que tu as fait le Saint-Jean? Non. Ok. Non. À côté, là? Oui. Il y a beaucoup de chanteuses et chanteurs. Ah ouais? Oui. Faut que j'aille voir. Ouais, oui, le soir. Ouais, ouais. C'est super intéressant. D'accord. Et alors, tu chantes à des endroits précis, à plusieurs reprises? Ou est-ce que c'est des clics? Est-ce que c'est un... T'as des arrondissements où t'as plus de gens, où t'as plus de bars qui font des concerts. Mais moi, ben, je viens j'habitais dans le quartier latin. Et dans ce coin-là, il n'y a pas beaucoup de lieux. Donc j'ai seulement pris le Lilo, tu connais le magazine, oui, le Lilo oui. Je l'ai pris et j'ai commencé par aller voir tous les bars où il y avait le petit logo chanson. Oui. De tous les arrondissements, je me faisais un arrondissement, j'allais là, puis un autre le lendemain. Et est-ce qu'ils sont réceptifs? Fallait guitare, un peu les relancer. Avec ta guitare? J'avais la guitare, j'avais les CD. Est-ce que tu m'as mis des CD? Non. Oh. Ah zut, j'ai oublié. Ok, mais est-ce que j'ai accès sur Internet? T'as accès sur Internet, okay. Ouais. Parfait. Je peux t'envoyer même par WeTransfer, si tu veux, quelques chansons. Ok, excellent. Ok? Oui, ben oui. Si tu veux que je diffuse, ça serait bien. Ouais, ouais. Ok. Donc, c'est ça, tu à chaque fois que tu te présentais, est-ce que les gens sont réceptifs? Et s'ils sont réceptifs ouais. par rapport à... Ben, les gens de bord, là, qui veulent... Ouais, ben ouais. Ouais, ouais, c'est... comme je te dis, je surprends un peu par rapport à quand j'arrive. Enfin, je suis quelqu'un d'assez timide. Quand tu as la guitare. Voilà. Et je pense que ça surprend un peu les habitués. Et puis, j'ai pas peur de m'imposer, quoi. Donc, mais lorsque tu te présentes pour chanter, au bar. Qu'est-ce qui se passe, ouais? Alors là, ben. Je bois une petite bière, ouais. Il faut que je discute un peu, je sympathise, tac, ben je fais de la chanson, voilà. Et après, en général, ils prennent le CD ou ils me proposent direct de jouer un petit ouais, morceau. Voilà. Et puis ensuite, la date tombait. Mais ça, c'était il y a déjà 5-6, quelques années quand même. Okay. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Il y a comme, on voit encore plus de monde sur le coup. Pardon. Et ça passe beaucoup par mail. Moi aussi, je suis devenue un peu plus exigeante, donc je joue pas forcément, je joue un peu moins dans les brasseries, dans les limonadiers, je joue un peu plus dans des endroits où il y a une réceptivité. Où il y a une réceptivité, où ils ont l'habitude de faire des concerts, où il y a parfois un programmateur. Donc déjà c'est là où peut-être ils sont un peu plus demandés, on leur demande plus, il y a plus de demandes. Et là, c'est un peu chiant parce qu'il faut relancer par mail, chez okay. soi, téléphone. C'est beaucoup moins le contact humain. Et, C'est pour ça que je démarche moins en ce moment, parce que ça me gave un peu, moi, de... Ok. Mais comment tu fais pour vivre, pour... J'ai un spectacle... Oh, tu as travaillé à Non, je suis intermittente, mais j'ai un spectacle pour enfants qu'on a monté avec un ami, qui est un spectacle musical. Ok. Une adaptation d'un conte du père Castor qui s'appelle Marlaguette. Et on l'a tourné pendant 3 ans dans plein de théâtres. Ça a très bien marché à Paris. Pas beaucoup les écoles parce qu'il y a quand même tout un décor, lumière, tout ça. C'est un peu compliqué à mettre en place. Oh Susanna, oh Susanna, je suis tombée entre tes doigts comme une clope qui s'allume. Je brûle, je crève, que tu me fumes. Oh Susanna, oh Susanna, je n'ai jamais eu peur des femmes. Du temps où j'étais leur amie, tout était simple, mais il faut dire que Susanna, oh Susanna, n'est pas une femme comme les autres. Puisqu'elle a fait de moi cet autre qui aime sans le vouloir, qui aime sans rien y pouvoir. Si Susanna s'en fout, c'est parce qu'elle aime les femmes. Et quand bien même Susanna, je me fous de tout. Oh Susanna, oh Susanna, que va-t-on dire de tout cela? Voilà les bouches des bancs publics, baisser les yeux, c'est contagieux. Pour Susanna, oh Susanna, les cheveux courts font la loi. Et peu importe qui est quoi, tant qu'à être seule, c'est avec toi que je veux l'être, ma Susanna. Si Susanna s'en fout, c'est parce qu'elle aime les femmes. Et quand bien même, ma Susanna, je me fous de tout. Si Susanna s'en fout, c'est parce qu'elle aime les femmes. Et quand bien même Susanna, je me fous de tout. Le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte se promène dans sa tête, et quand elle se balade, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant, et dans notre bistrot, personne ne comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête, les joueurs de pelote s'arrêtent et plus rien, on a mal en dedans. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait tout, il balade sa vie. Ce type-là, c'était un grand musicien, moi j'en étais sûr et je le sentais bien. Le Tandier m'a dit qu'on est venu le chercher, un grand musicant voulait l'engager. Mon pote le gitan, il a refusé. Un haussement d'épaule et il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami, pourtant ce gars-là n'avait jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte, et dans ma petite tête j'ai du rêve qui te rôde. Sa drôle de musique en moi est restée, quand je pense à lui il m'arrive de chanter. Toi sacré gitan qui sentais le cafard, au fond ta musique était pleine d'espoir. Beaucoup de, on a fait 2-3 écoles, mais c'est pas tant que ça. On a commencé, on a fait la création au théâtre du Lucernaire, qui est un théâtre. Ah oui, oui, tu vois. Ben oui, c'est beau, c'est bien. Voilà. C'est super. Donc on a joué 8 mois là-bas, puis on a joué dans d'autres théâtres à Paris, puis on est retourné au Lucernaire pour Noël, et puis on s'est mis à jouer un peu partout en province. Et là, c'est récent, ça a commencé il y a 3 ans, 2013. Okay. Et là, ça se termine un peu. On a encore quelques dates en 2017, mais mon coéquipier, lui, il a monté un spectacle solo dans le même genre qui joue au Lucernaire en ce moment. Et qui s'appelle Le Vilain Petit Canard. Ah oui, oui, oui, je l'ai vu sur Ticket. Ah, t'as vu passer? Ben oui. Ouais. Ben oui, oui, oui. Ben, il y a des publicités là. Et ouais, il y a des pubs. Oui, oui, oui, oui. Va voir à l'occasion, parce que enfin, moi j'ai trouvé ça génial. C'est le même metteur en scène. Et c'est plein d'humour, de... et c'est Simon, mon coéquipier, qui a écrit les chansons. C'est très fort, c'est du théâtre d'objets. Donc, Est-ce que lorsque tu travailles moins, tu commences à stresser, tu commences à angoisser? Puis un petit peu, ouais. Ouais. Ouais. Toi aussi? Non, moi je travaille au même endroit depuis 30 ans. Donc, okay. Mais moi j'ai un travail alimentaire parce que c'est pas la radio qui... T'es à la radio bénévole ou non, t'es c'est en... C'est une radio associative. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. J'ai un travail alimentaire depuis 30 ans, donc... Ouais. Qui est quoi? Oh, je suis caissier de nuit. Ah, caissier de nuit? Oui, c'est original. Oui. Dans un quartier chaud de la ville de Québec. D'accord. Ah ouais. Prostitution et tout ça, dans le quartier des putes. Ouais. Et c'est ça, je travaille de nuit. Donc tu fréquentes beaucoup... Les putes? Ben ouais, elles viennent beaucoup dans le supermarché. Je les fréquente, non, mais dans la vie, je les fréquente pas. Ouais. Mais c'est sûr que dans mon travail, je les fréquente. Ouais, en ouais. Dehors de mon travail, je les fréquente pas. Ouais. Non, je sais pas. Mais t'as sympathisé avec certaines d'entre elles ou pas? Ah non, parce que y a rien à faire. Ouais. Y a rien à faire. C'est les prostituées que je connais depuis 30 ans, c'est... Non, parce que c'est la fille que j'ai rencontrée tout à l'heure. Elle est partie. Ah oui, ok. Donc, Non, ça c'est un cercle vicieux. Si tu veux pas t'aider, je peux pas t'aider. Hein. Ouais, ouais. Mais il arrive plein de choses hein, quand tu travailles dans ce milieu-là, avec ce genre de personnes-là. Mais je suis pas là pour les juger. Ah, c'est intéressant. Ils font leur boulot et je fais le mien. Ils savent que ce que je veux pas, puis ils font pas. Donc, ouais. Mes toilettes, c'est pas une chambre d'hôtel. Ouais. Donc, je suis prêt. Et tes horaires, c'est quoi? De travail? Ouais. C'est de 23 à 7. 23 à 7? Ouais. Ah ouais. Ouais. D'accord. Ah, de nuit, vraiment de nuit. Vraiment de nuit. Et, c'est marrant parce que j'ai écrit hier soir, j'ai passé la nuit à écrire une chanson sur... je vais te raconter, j'ai toute une idée d'album. Et là, c'est une chanson de plein de portraits de personnages. Et c'est une chanson sur un chauffeur de taxi de nuit, justement. Ouais, j'en connais. Ouais. Et la prochaine chanson que je vais écrire, c'est sur la marcheuse de Belleville. C'est donc les prostituées à Belleville, les chinoises qui sont, qu'on appelle les marcheuses de Belleville, que tu connais. Ah oui. Et, mais moi, j'ai une comédienne, sans le savoir, qui passait la nuit, qui est passée pendant 2-3 mois la nuit. et qui parlait avec moi, qui restait, qui s'achetait quelques aliments, parce qu'on peut s'acheter du Perrier, tout ça. Ouais. Parce qu'on vend aussi de l'essence, alors les gens peuvent faire le plein, rentrer à l'intérieur, s'acheter des croustilles, des poissons gazeux, des cigarettes. C'est pas une station essence, c'est vraiment un supermarché, mais avec un petit... Nous, on appelle ça un dépanneur. Un dépanneur. Oui, un dépanneur, okay. c'est un établissement où tu peux acheter n'importe quoi, ou presque, là. Sandwich préemballé, des trucs comme ça, poissons gazeux. Il y a des fruits aussi ou pas? Peut-être pomme banane, mais c'est gros max. Pas très, très santé. Et donc, cette comédienne-là passait, mais moi, je savais pas qu'elle était comédienne. On discutait, mais 10-15 minutes, parce que je suis pas là pour entretenir la discussion. Ouais. Et donc, on est à côté de CKRL. Je te l'ai dit qu'on était à côté de CKRL, mon travail était juste à côté de CKRL. Non, je l'ai dit à l'autre avant, parce que je pense que quand je commence à raconter ça, je ne sais pas si je l'ai raconté à... Ah oui, à OK. Parce que mon boulot se trouve à côté de la radio associative pour laquelle je travaille. Ah, d'accord, ouais. Donc, c'est une personne qui travaillait là qui m'a recruté pour faire de la radio. Parce qu'elle voyait que j'avais un sens de la répartie, puis que j'avais le sens de l'humour, et que j'avais du répondant, en tout cas, bref. Donc, c'est grâce à ce boulot que tu t'es retrouvée. Mais j'avais fait de la radio CKRL à l'époque où elle était à la Haute-Ville, dans le secteur touristique. Ouais. J'ai fait une émission du d'été qui s'appelait Citron et limonade. Oh, et c'était joli. De la musique francophone. Ah, oui. Et j'avais une amie ici, sur le 20e arrondissement, sur le boulevard Mortier, qui m'envoyait des disques. Premier album de Noir Désir. Et je diffusais ça à mon émission. Premier album. C'était une radio associative aussi. CKRL est la première radio associative francophone au monde. Et on est venu ici pour ouvrir des radios associatives aussi, comme Carbone 14, des trucs comme ça, Super Nana, les émissions Super Nana, La Fesse et tout ça. Et aujourd'hui, il reste Radio Libertaire. Ouais, ah oui. Bon, alors ça vient de chez nous. Ah, c'est vrai? On est la première radio associative francophone au monde. Ah, c'est marrant. On existe depuis 74, je crois. On existe depuis 74 et vous depuis 82-83. Ah oui? Ouais. Bon, alors donc, la comédienne en question, elle passait, puis Raymond, qui faisait la chronique de théâtre, vient me voir, puis il vient me dire, il dit, il y a une comédienne que j'ai rencontrée à mon émission, puis elle s'est inspirée de toi pour faire une pièce de théâtre, hein. Puis elle racontait mon boulot, et c'était du théâtre psychédélique, donc c'est des personnages déjantés qui rentraient devant un genre de clown, c'est moi, qui accueillait cette faune urbaine. Je suis allé voir la pièce de théâtre. Et donc... Ça doit être c'est spécial. Très étrange de voir comme ça. Mais je ne savais pas, elle ne me l'avait jamais dit. Ouais. Et après, tu l'as recroisée? Non, je n'ai pas recroisé. Tu l'as jamais... Non. Mais toi, qu'est-ce que tu veux décrire lorsque tu fais des chansons? Qu'est-ce que tu veux dénoncer? Ou qu'est-ce que tu veux... Ou peut-être c'est simplement divertir les gens? Je veux... Alors, bonne question. Ça fait longtemps que je me la pose plus, en fait. Pourquoi tu te la poses plus? Parce que c'est trop vieux, c'est trop ancien? Il y a un côté évident dans quelque chose d'évident. Je sais plus... J'ai l'impression que je pourrais pas faire autre chose. Okay. Donc, je me demande plus vraiment. As-tu déjà fait autre chose? J'ai été serveuse pendant un moment. Et puis... Mais j'ai pas fait grand-chose d'autre, en fait. J'ai beaucoup été là-dedans. Ouais. Je l'ai fait parce que j'ai senti quand même que... Quand je jouais, j'ai eu des retours... J'ai eu des retours très jolis de personnes, par exemple, qui étaient, qui arrivaient en béquille, qui faisaient la gueule, et puis je me mettais à jouer, et puis elle finissait par danser. Et elle vient me voir, elle me dit « Oh là là, grâce à toi, j'ai complètement oublié la douleur de ma jambe. » C'est très thérapeutique. Voilà, il y avait un truc. Et donc je me suis dit « Bon ben, y a quelque chose. Si j'arrive à faire ça, voilà, ça fait plaisir. Moi, je serais... » Voilà, je serais incapable de faire un boulot répétitif et tout ça, donc ça fait plaisir aux autres. C'est ça? Ouais, voilà. T'es plutôt une fille libre et... Je me sens un petit peu sauvage. Alors dans le métier quand même de restauration, il y a un truc que j'aimais bien. Être serveuse, ça m'a beaucoup plu quand même. Parce que... Rencontrer des gens. Tu rencontres des gens. T'es pas dans... On parle souvent de métier routinier et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a... Non. Si on regarde dans tous les métiers, il n'y a pas tant... C'est jamais routinier, tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Ouais. tu sais jamais, surtout quand t'es de nuit, il y a un vol à main armée, n'importe quoi, tu sais jamais ce qui peut arriver. Tant que tu croises que t'es en contact avec des gens, tu sais pas ce qui peut arriver, quoi. Ouais. Mais à un moment donné, dépendant du travail et du public que tu reçois, tu deviens misanthrope ou pas? Il devient quoi? Misanthrope. Misanthrope, ouais. Ouais. Dès quand ton public et quand tes clients sont difficiles, je crois que tu dis que le genre humain, ça vaut pas ce que... Ouais, ouais. Ça dépend. Ça dépend du public que t'as. Ça dépend de... Ouais, c'est vrai. Et toi, est-ce que tu écris régulièrement? Est-ce que est-ce que tu prépares des chansons quand c'est plus tranquille, quand tu tournes moins, quand les contrats n'arrivent pas? Ben alors, en ce moment, par exemple, ça fait... En gros, ça fait... Ça fait quasiment 3 ans que j'ai pas que j'ai pas écrit vraiment une nouvelle chanson. L'année dernière, t'as composé. Voilà, ce qui est spécial, c'est que du coup, j'ai en fait j'ai commencé par essayer d'écrire sur une nouvelle comédie musicale pour enfants. On a écrit quelques chansons, c'est un travail en cours, on les a pas jouées. Et j'avais ce projet depuis un an et demi en fait. J'ai le projet d'écrire un album polar. Pas le chou, Jack, c'est trop facile. Mais laisse tomber, Jack, j'suis pas docile. Ne prends pas le chou, Jack, Dieu sait que t'es vieux quand tu sors le grand jeu, Jack. Une dernière fois dans tes bras. Casse la baraque, Jack, puisqu'on s'écroule. Mais tu peux rien, Jack. J'aime la foule. Casse la baraque, Jack. Tout le monde y passe un jour ou l'autre. Faut bien que ça casse, Jack. Prends-moi. Prends-moi. Une dernière fois dans tes bras. Un pas de plus où je me tire, pas un pas de plus, aïe, pas un pas de plus où je tire. Thank you. C'est le bal des gothiques qui valsent, qui valsent. Le bal des gothiques qui tourbillonne. C'est le bal des gothiques qui jase, qui jase. Le bal des gothiques qui ronronne. Il porte des robes de soirée, de soie noire, des boucles d'argent à chaque doigt. Il porte des masques, c'est une mascarade. Et seuls leurs yeux brillent sous une pluie de flammes. Ils miroitent et renvoient les couleurs de l'hiver. Si hiver existe dans le monde des enfers, dans un coin ils s'étirent sur un billard. Parmi les boules noires, à qui mettra la blanche? Parmi les boules noires, à qui mettra la blanche? Qui sonne, qui sonne. Le bal des gothiques qui sonne les cloches. C'est le bal des gothiques qui gronde, qui gronde. Le bal des gothiques qui se cramponne. À des milliers de tours, de retour, de détour, tous unis en rond, ils se tiennent par les coudes. Et les murs résonnent et les miroirs vibrent. On les brise à quatre mains sous le pas de la danse. Ils hurlent de rire sous leur cape noire. Et se tordent en six sous le signe du diable. Ils tournoient et tournoient jusqu'au bas la falaise, en vantant les exploits de leurs ancêtres, messieurs les vampires, qui se sont retirés dans leurs apparts volcaniques. C'était le bal des gothiques, ce soir, le bal des gothiques qui dansait sur la croix. C'est le bal des gothiques, à l'aube, le bal des gothiques qui danse sous la spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRNien l'émission Émance canadienne. Merci l'artiste. Alors, la fille à papa. Ça, je l'ai écrite parce que je l'ai écrite pour la soeur de mon frère, j'allais dire. Mais la copine de mon frère, avec qui j'ai vécu avec mon frère et sa copine pendant un moment. Et je l'aimais pas trop. Donc j'ai écrit cette chanson sur elle, qui est plutôt d'ailleurs flatteur, ça donne envie de la rencontrer, je trouve. J'espère qu'elle écoute pas. Tu viens de dire que tu l'aimais pas trop. Non, c'est la, c'était l'ex. Ah d'accord. J'avais raison. Sergueï. Elle est sympa, celle-là. C'est un collègue, c'est un chanteur russe. Il joue dans les bars. Et son surnom dans le milieu, c'est Shtov. Et il joue de la guitare comme un bûcheron, un peu comme Garance quand elle joue les idées rock. Tu vois. Vénère quoi. Bah, c'est vraiment une salope en plus parce qu'à chaque fois mes musiciens me disent bon le tang tang tang tu peux te calmer hein, on l'entend hein. Ah moi j'adore. C'est ce que j'attends pendant tout le morceau. Ah bah super. Et un jour on a fait un concert dans un bar et à la fin du concert il a pris sa guitare et en acoustique il s'est mis à chanter du Brassens. Et les gens qui étaient sur la piste, qui au départ dansaient sur la musique du DJ, sont mis à chanter avec lui. Et moi, un peu bourrée, j'ai écrit cette chanson qui est une ode à l'acoustique par rapport à l'électronique. Ce qui se vérifie, je suis désolée, Lise, aujourd'hui, malheureusement. La peau. Mais on va peut-être trouver, hein. La soirée n'est pas finie. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va débarquer avec un ampli. Je ne sais pas. Il faut espérer, on ne sait jamais. Ouais. Tout est perdu. Tout peut tomber du ciel. Il y avait Sergueï à la guitare, qui gueulait comme un barbare, même qui gueulait si fort que le DJ. en est mort. Elle avait la voix qui se brisait au bout de chaque fin de mot. Ses yeux paumés dans cet écho qui nous faisait tous vibrer. C'était ça la victoire, mon Sergueï. Pensait que plus rien ne faisait taire. Buvons à la victoire, mon Sergueï. Buvons jusqu'à ce qu'elle nous revienne. Et quand on trinquerait la dernière, ce serait pas pour se dire adieu. Ce serait qu'on irait déjà mieux et que le monde nous foutrait la paix. On irait rire au pied d'un banc sous les coups de la flicaille. On fêterait nos retrouvailles sous le regard des morts vivants. Ce serait ça la victoire, mon Sergueï. Pensait que plus rien ne ferait taire. Buvons à la victoire, mon Reynald. Buvons jusqu'à ce qu'elle nous revienne. Tu brandis tes 60 ans comme un bouquet de chrysanthèmes. Moi je me plie sous la vingtaine comme si une pierre était un an. Nous deux bâtards qui subissons le fouet de la matrone des bars et la claque du sur-showbiz. La guitare est notre clairon. C'était ça la victoire, mon Sergueï. Quand c'est que plus rien ne nous faisait taire. Buvons à la victoire, mon Sergueï. Jusqu'à ce qu'elle nous revienne. Radiophonique, quoi, tu vois, c'est une fois que tu viens de présenter aussi. Oui. Okay. Ah oui. nouvelle fin. Réfléchis longuement à l'avance. Non, c'est ça. En fait, c'est une partie du refrain que j'ai zappé, okay. De la fin. Okay. Du début du refrain pour la fin. Okay. Bref. Petite dernière. Non. En plus, c'était la combien là? La quoi? La grand roue? Normalement, c'est ça. Ah, j'en ai fait combien? Je sais pas. 4? T'en as fait 4? 3, non? 3? 4? Mais peu importe, c'est pas important. Continue. Non, non, c'est pas important, on peut. Alors, on va faire. Je vais faire. Moureuse. Ouais. Moureuse est une ville qui se situe près. Sur l'île de la Réunion et ça s'appelle en fait ça existe vraiment mais quand je l'ai écrite je savais pas que ça existait. C'est quelqu'un qui travaille chez Mappy qui m'a annoncé ça la dernière fois. Le cap Moureuse existe donc si vous voulez être amoureuse vous y vous probablement et ben faut aller là-bas toi. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.